Entre les mots des marmots, une analyse audio. Durant les enquêtes de la recherche ANR Moby Kids, des enfants ont participé à des parcours commentés in situ, qui ont été enregistrés puis transcrits pour analyse. Suite à quoi, on s'est demandé, qu'y a-t-il d'autre dans ces enregistrements qui n'a pas pu être transcrit? Il s'agit donc d'une analyse à l'oreille de ce qu'on entend entre et au-delà des mots. Des tonalités d'expression. Alors... Hésitation. Voilà. Je sais pas trop. En fait, celui-là, il est un petit peu... On prend toujours le même chemin. Et du coup, je regarde souvent ce... J'aime beaucoup... Expression monosyllabique. Ça fait longtemps que tu rentres à pied comme ça? Depuis que je suis arrivée. T'es arrivée quand? Août 2017. Donc en fait, c'est ta première année ici à Orchard? Avant, j'étais à Rennes. Dans la ville de Rennes? Ouais. T'es à l'école Saint-Jean-Saint-Thérèse. Tu rentrais tout seul aussi? Ou avec tes parents? Je rentrais tout seul. Tu rentrais à pied? Ouais. Ouais. T'habitais loin de l'école? 20 minutes. Ouais. Ouais, vas-y. Une grande partie. Ouais. Ouais. Ça se passe bien? Ouais. Ouais. En plus, ça me sert à... beaucoup de choses. Ouais, par exemple. Oui. Non. Ça. C'est ça? Oui. Ouais. Non. Ouais. Non, je suis enceinte. Tu as des surprises sur le parcours? Non, jamais. Si? Oui. Si, des fois. Oui. Oui. D'accord. Non. Jamais? Si. Ça dépend. Oui. T'avais pas fait attention? Non. Oui, mais... Si, mais... Ajustement de la parole. Alors, quand on a... comment ça s'appelle le... Je sais plus comment ça s'appelle. Ce qu'il y a au fond. Un city stade. Oui, voilà. Le city stade. Des fois, le vendredi soir, je vais chez mes copines des fois. D'accord. Même si on prend le plus long, on devra passer... On devra passer là, en tout cas. Oui, c'est où il y a la... Le belvédère et l'église. Ah voilà, ça c'est en mieux là. Le le terrain de judo. Un sentier. Bon, juste un sentier. Le chemin est facile, on va dire. C'est tranquille. Ici, c'est tranquille. Oui, c'est tranquille. Sinon, c'est pas du tout tranquille. C'est pas très tranquille. Ah, tout à fait, tout à fait. Bah, j'ai une maison qui date de. Je pense. De quelques siècles. Pour faire. Pour faire du comment ça s'appelle le quand on doit courir le cross tout le temps, je change jamais. Ah si, à part cette année on a il y a un petit parc là où on peut faire du foot. Ah ouais. C'est une très très grande salle, enfin une très grande salle. C'est souvent un endroit où les privés vont, où l'école privée passe, les personnes d'école privée. D'accord. Ça fait déjà deux fois qu'on y va et ça fait déjà deux fois, oui. Ici on est venu que quatre fois, c'est quand même bien. Et il y a beaucoup de. Comment ça s'appelle ? Ah, le truc où on fait les lunettes là. Ah, les lunettes, d'accord. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Et là, ici, on a une petite salle. Elle est vraiment petite et. Enfin, petite. Non, pas petite. Frikiki. Ça fait un petit peu long. Enfin, un petit peu long. Bof. Expression mélodique. Oui. Oh oh. Ouais. Et voilà. D'accord. Oui, ça. Oui. Oula. Hop. Je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi. Je sais pas, peut-être. Allez, une petite photo. Tu vas prendre des photos ? Bah, on va prendre des plus bas. Ouais. Pourquoi t'as pris Dorian en photo ? Parce qu'elle avait envie. Ah, j'ai oublié. Oui. Je vais peut-être prendre une photo. Voilà. Alors, pourquoi t'as pris la photo ? Parce qu'il y a des arbres. Ouais. Parce qu'elle aime bien ça. Bah ouais, très bien. Ouais. Tiens, je vais prendre la forêt. Tu vas prendre la forêt? Oui. Bah en fait c'est très calme. Il y a moins de bruit des voitures. Ouais. À cause de quoi? À cause des voitures. Qu'est-ce que tu ressens? Ben du bien, ça fait du bien parce que t'entends pas du tout de bruit. T'es tranquille. Je sais pas quoi prendre en photo. Et puis là, c'est qu'on va à l'école. D'accord. Ok. Oui. Donc là, tu prends quoi en photo? L'école. Oui, on est à l'école. On va s'apprêter à sortir. Bah donc là, bah on est on sort de l'école. Donc là, il y a la cour. L'école maternelle. Bah en fait, on va devoir passer par l'école. Bah non. Bah non, on n'est pas obligé de passer par l'école. On peut passer par l'école ? Ou non, j'ai un moyen plus simple. Ouais, j'ai un moyen plus simple. Oui, c'est bon, si j'ai un moyen plus simple. Si, c'est bon, j'ai un très bon moyen. Ah d'accord, je vois, c'est bon. Tu vois ? C'est bon. Et je prends les escaliers. D'accord. En fait, on va toujours tout droit. Là, il y a un parking, mais il n'y a pas de voiture. Oui, je connais plein de gens.